Bonjour, mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre chapitre 13. Ça tire à sa fin, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui et demain, et nous allons avoir terminé l'Épître aux Hébreux, je crois. Notre Père du ciel, conduis-nous. Conduis-nous en toi. Conduis-nous par ton esprit. Conduis-nous à Jésus-Christ. Donne-nous la grâce de se fortifier en lui, en Christ, en son œuvre, en son salut. Ô Seigneur, nous voulons rester attachés à toi. Ô, que c'est notre désir jusqu'à la fin. Nous voulons imiter ceux qui nous ont transmis la foi jusqu'à la fin de leur vie. Et nous voulons être de ceux qui, jusqu'à la fin de notre vie, par ta grâce, on peut se transmettre l'Évangile reçu par ton Église depuis tous les temps. Bénis-nous, Seigneur, encore ce matin, pendant ces quelques instants ensemble. Que ces instants puissent te glorifier et glorifier ton Fils Jésus. Amen. Nous avons vu jusqu'à date, dans le chapitre 13, que l'auteur encourage l'Église à ne pas retourner dans le monde. On a appelé ça dire non au monde et persévérer dans la communion fraternelle, persévérer avec les prisonniers, persévérer avec ceux qui sont maltraités, persévérer dans la souffrance s'il le faut, accepter, se contenter de la situation dans laquelle Dieu nous met, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la liberté ou emprisonné, dans la santé ou dans la maladie, on reste attaché à Jésus-Christ. Ensuite, il rentrait dans la doctrine. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs du passé. Souvenez-vous de ce qu'ils vous ont transmis au sujet de Jésus-Christ, qui est immuable. Donc, si Jésus-Christ est immuable, ce qui est enseigné au sujet de Jésus-Christ est immuable aussi. Donc, la foi ne peut pas changer. Comment on va appliquer la foi? Comment on va transmettre la foi? Ça, ça change d'une génération à l'autre, puis même d'une personne à l'autre. Mais le contenu de la foi qui concerne Jésus-Christ et son œuvre à la croix, et sa résurrection et son retour imminent, ça, ça ne change jamais. Je l'ai déjà dit, puis je vais le répéter. Le contenu de notre foi doit être le même. Tous les croyants de tous les temps. La mise en pratique de cela, ça va changer d'un individu à l'autre. Et c'est pas ça qu'on transmet. C'est pas ça qu'on veut transmettre. C'est ça qu'on a tendance à faire, de transmettre à la génération qui suit le comment on a vécu notre foi. Quand ça devrait pas être ça. Ça devrait être ce que je crois, je te le transmets. Vis-le peut-être autrement, toi. D'une autre manière. Mais tu dois transmettre le même contenu. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un d'une nouvelle église et j'ai dit, j'ai écouté plusieurs de leurs études, de leurs enseignements, parce qu'ils sont bien différents à l'extérieur, bien, bien différents à l'extérieur, de la façon qu'ils fonctionnent. Et je te l'ai écouté, est-ce qu'ils enseignent la vérité des Écritures? Est-ce qu'ils enseignent la même foi que moi je peux enseigner, que Jésus-Christ a enseigné, que l'apôtre Paul a enseigné? Parce que c'est ça qui est important. C'est pas le vase qui est important, c'est ce qu'il y a dans le vase qui est important. OK? Et ensuite, l'apôtre Paul, il va nous emmener un peu plus loin aujourd'hui. Donc, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs et continuez à adorer le même Jésus qu'ils vous ont enseigné. Et là, il va revenir au conducteur, au verset 16, il dit, puis au verset 17, il va dire, obéissez à vos conducteurs. Nous allons lire, si vous voulez bien, le verset 16 et le verset 17. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Si on veut dire non aux doctrines étrangères, ça nous prend des conducteurs qui vont nous l'enseigner. Le jeune croyant qui vient au monde spirituellement ne peut pas s'auto-enseigner. Il faut qu'il soit enseigné. J'ai déjà dit, prenez une Bible et donnez-la à un jeune croyant qui vient se convertir. Et donnez-lui, et laissez-le seul avec la Bible. Il va partir des fausses doctrines, c'est sûr et certain. Il doit, ce jeune croyant-là, s'attacher à des conducteurs qui se sont attachés aux anciens conducteurs. La foi a été transmise d'un conducteur à l'autre. Oui, avec les Écritures, mais d'un conducteur à l'autre. Si vous lisez les Actes des apôtres, vous allez voir que l'apôtre Paul donne comme tâche aux anciens, aux conducteurs, aux évêques, de prendre soin du troupeau et de les protéger des faux docteurs et des faux prophètes. C'est la job des anciens. C'est la job des conducteurs. Il répète dans Pierre. Pierre va dire aux évêques, prenez soin de ceux sur lesquels avaient été établis évêques. Protégez-les. Protégez-les des fausses doctrines, des faux docteurs. Pour faire ça, l'auteur est dit ici au verset 16, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Je ne crois pas que l'auteur ici est en train, personnellement, je ne crois pas qu'il est en train de vouloir encourager l'Église, je crois que c'est une bonne exhortation, on peut prendre d'autres textes pour faire ça, je crois, à la libéralité pour les pauvres en général, ou ceux qui sont dans le besoin, comme il avait parlé un peu plus haut dans le chapitre, de s'occuper des prisonniers, de ceux qui sont maltraités. Mais je crois ici qu'il parle de la bienfaisance et de la libéralité envers les conducteurs. Parce que dans le contexte, c'est ça qu'il est en train de parler. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont instruits par rapport à Jésus-Christ, et maintenant obéissez à vos conducteurs. Et l'ensemble du Nouveau Testament va dans cette direction-là. L'apôtre Paul était soutenu dans cette façon-là. On le soutenait, on en prenait soin physiquement, financièrement, pour qu'ils puissent se consacrer à la prédication. Il le dit dans Timothée, il le dit dans Galates, il le dit dans les Actes des Apôtres, de prendre soin de ceux qui vous enseignent, de s'occuper de ceux qui vous enseignent, de leur donner ce qu'ils ont besoin, afin qu'ils puissent se consacrer à l'enseignement. Même dans Actes 6, les apôtres vont dire, nous allons confier le côté administratif à des 7 personnes que vous allez mettre en place. Ils vont s'occuper du côté administratif de répartir les argents, les biens, la nourriture pour les veuves, les orphelins. Nous, on va se consacrer à l'enseignement et à la prière. Je crois que ça devait être tellement un principe très fort qu'on devrait encore garder aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos groupes que nous avons. Donnons à ceux qui enseignent du temps pour le faire. Je me suis battu avec ça pendant tout mon ministère, avec les groupes, avec les églises que j'ai travaillées. Souvent, les croyants, pas toujours pour mal faire, veulent confier aux dirigeants, aux enseignants, aux pasteurs, aux conducteurs, bien qu'on voudrait, aux anciens. On veut qu'ils s'occupent du côté administratif de l'Église, et souvent, ça va prendre tellement de place dans leur vie qu'ils n'ont plus le temps nécessaire pour se consacrer à l'enseignement et à la prière. Alors, j'ai vu ça. J'ai vu ça dans plusieurs églises. Je le vois encore dans plusieurs églises. Où les pasteurs sont pris avec l'administration, avec les finances, avec les comités de toutes sortes d'affaires. Et ils préparent. Je parlais avec un pasteur, il prépare son sermon le samedi dans la nuit, parce qu'il n'y a pas eu le temps dans la semaine, il avait toutes sortes d'affaires à faire. Il dit, N'oubliez pas la bienfaisance, partagez vos biens et vos libéralités, vos argents avec ceux qui vous enseignent. Dieu prend plaisir à ça. Pourquoi? Parce que ces hommes-là vont enseigner la parole de Dieu, vont enseigner l'enseignement de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Ils vont vous faire connaître Dieu, vous faire connaître Christ, vous faire connaître son plan. Et obéissez, au verset 17, à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence ou de la soumission. Donc ici, faites attention. Quand ils vous enseignent la parole de Dieu, hein? Pas soyez soumis dans tout ce qu'ils vont vous dire, dans tous les domaines de la vie. Mais quand qu'ils vous enseignent la parole de Dieu, ben, obéissez-les. Soumettez-vous. Ayez du respect, parce qu'ils vous enseignent la parole de Dieu. Le seul outil qu'ont les anciens, c'est la parole de Dieu. On n'a pas d'autre chose. C'est l'ancien va vous conduire par la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. C'est pas par son charisme qu'il va vous conduire. C'est par les Écritures. S'il vous le conduit par autre chose, ça vaut rien. Ça vaut rien. Mais il dit, quand vos anciens, ou vos pasteurs, ou vos conducteurs vous enseignent les Écritures, obéissez-leur. Et soumettez-vous, ou ayez de la déférence pour eux, du respect pour eux autres. Car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Ils veillent sur vos âmes, pas dans le sens que maintenant, ils veillent sur votre côté moral. Ils sont là pour vous aider à ce que vous marchiez droit, comme on dit en québécois, les fesses serrées. Et ils vont vous aider à être des bons chrétiens qui ne pêchent pas. Non. Ils veillent sur vos âmes en veillant sur la doctrine, en veillant sur l'enseignement, en veillant sur ce que vous croyez, en vous protégeant des loups, en vous protégeant des faux prophètes et des faux docteurs qui viennent de partout. Il va falloir qu'ils rendent compte de leur ministère. Il va falloir qu'ils rendent compte du fait que, est-ce qu'ils vous ont enseigné la vérité ou pas? S'ils ne vous ont pas enseigné la vérité et que, dans le fond, n'ont pas veillé sur vos âmes, ils ont perdu vos âmes, il va falloir qu'ils rendent compte de ça. Donc, comprenez-vous, prenez soin de vos conducteurs qui ont reçu des conducteurs qui sont déjà morts. On a vu au verset 7, souvenez-vous de ceux-là. Ils ont reçu deux autres et maintenant ils vous le partagent. En faisant ceci, ils veillent sur vos âmes. C'est le ministère que Dieu leur a confié. Donc, ils vont rendre compte pour ce ministère-là. Est-ce qu'ils vous ont transmis la vérité? Mais en faisant cela, ils veillent sur vos âmes. Il dit, faites cela. Donc, prenez soin d'eux autres. Donnez-leur ce qu'ils ont besoin. Et obéissez-leur et de la déférence pour eux. Et si vous faites cela, ben, ils vont faire leur travail avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Là, je vous parle comme un enseignant. J'étais un enseignant toute ma vie chrétienne. Presque toute ma vie chrétienne. J'ai côtoyé à plusieurs reprises, pas plusieurs reprises, j'ai côtoyé dans toute ma vie chrétienne d'autres enseignants comme moi. Mais c'est triste à dire. Mais l'Église a de la misère à accomplir cette petite exhortation-là de la part du Seigneur. Prenez soin de ceux qui vous enseignent. Prenez soin de ceux qui vous enseignent. Voyez comme étant important le fait qu'ils vont avoir tout ce qu'ils ont besoin avec leur petite famille pour consacrer leur vie à l'étude de la parole de Dieu et à l'enseignement. Il veille sur vos âmes. Il veille sur vos âmes. Croyez-le, c'est le mandat de Dieu, de la part de vos conducteurs, de veiller sur vos âmes, de vous garder dans le droit chemin doctrinalement parlant, de vous protéger du mensonge qui est dans ce monde. Comme eux, ils veulent vous aider, ils veulent veiller sur vos âmes, vous veillez sur eux. Faites tout ce que vous pouvez pour qu'ils puissent faire leur ministère avec joie, avec joie. Ce qu'on attend d'hommes qui ont abandonné l'enseignement. Oh, ils enseignent encore parce que c'est leur don, parce qu'ils n'étaient pas capables de survivre matériellement parlant. Je connais des femmes qui se plaignaient et se plaignent encore. Et j'en connais qui ont même abandonné leur mari parce qu'ils ne pouvaient pas accepter le fait que leur mari était souvent l'homme le plus pauvre de l'assemblée. Pas toujours, c'était le cas, mais c'était souvent le cas. Je me souviens d'une qui m'avait dit un jour, comment se fait-il que c'est seulement que le pasteur, avec sa famille, qui ne peut pas avoir de maison. Tous les gens dans l'église ont leur propre maison, ou presque. Mais le pasteur, lui, il n'a pas d'argent pour s'acheter une maison. Il va à la banque, puis on lui dit, ton salaire n'est pas assez haut pour que tu puisses emprunter pour t'acheter une maison. Pourquoi est-ce que c'est comme ça, dit-elle? Je vous dis pas que c'est obligatoire qu'ils aient une maison. Mais veillons à ce que leurs besoins sont rencontrés. Demandez pas à vos conducteurs de vivre plus pauvrement que vous. Aidez-les à faire le ministère avec joie. Juste vous arrêter de prier et de dire, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour celui qui m'enseigne? Peu importe ce que tu es là. Je sais que ces vidéos sont écoutées à travers le Québec, sont écoutées en Europe, sont écoutées un peu partout dans le monde. Peu importe ce que tu es, dans quel peuple tu vis, dans quel pays que tu es, dans quelle église tu vas, arrête-toi et dis, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon conducteur ou mes enseignants qui veillent sur mon âme afin qu'ils puissent faire leur ministère avec joie, sans se plaindre, sans gémir. Autant du côté matériel que mon attitude envers eux, afin que la paix entre celui qui prend soin de mon âme et moi soit là. Notre Père du ciel, conduis-nous, conduis-nous à mettre en pratique ce que nous avons vu ce matin. Peu importe qui nous sommes, nous avons toujours quelqu'un qui nous enseigne. Peu importe où ce que nous sommes rendus, que ça fasse 5 ans, 15 ans, 20 ans, 35 ans, 50 ans qu'on est chrétien, il y a toujours quelqu'un qui nous enseigne. On doit toujours aller plus loin dans notre compréhension. Seigneur, aide-nous d'être généreux envers ces gens-là. Aide-nous d'être respectueux, car il veille sur nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions. Amen.